sous-premier tome. J'sais pas d'avance, mais fallait me décrire dans le sous-premier tome. C'est toujours avec l'équipe, mais moi je suis au sous-premier tome. Et si les étoiles brillent en ma faveur, j'irai plus loin que le sous-premier tome. Sous-premier tome, tome. Toujours avec ma ferveur, ici c'est le sous-premier tome. Sous-premier tome, yeah. Sous premier tome, histoire de laisser les MC se mettre à mon niveau. Je vise le top, mais je suis ni mauvais ni bon. Des références dans la tête, mais c'est pas ça qui m'a poussé là. C'est Nesdi et nos premiers sons a cappella. Tu veux aller au bout, je te donne un coup de pouce. J'ai l'intention de faire trembler le net Anonymous. J'ai des mauvaises idées comme Orelsan. J'ai d'autres choses à viser que de remplir les salles. J'ai des projets dans la tête à nous de les réaliser. C'est pas ma faute à moi. Alizé de phase en phase B, bien ou plutôt réalité. Je fais des textes sincères pour que tu puisses te réhabiliter. Sous premier tome, je signe des arrêts de mort. Je vise des dom-toms, c'est à la vie, à la mort. Je peux tout perdre, mais j'aurais essayé. J'ai fait appel, jamais mon sort n'est scellé. Yeah. J'ai pas d'avance, mais fallait me décrire dans le sous premier tome. Fallait me décrire dans le sous-premier tome. Il fallait me décrire dans le sous-premier tome. Sous-premier tome. Sous-premier tome, j'ai pas d'avance, mais fallait me décrire dans le sous-premier tome. Avec l'équipe, mais je ne suis sous-premier tome. Et si les étoiles brillent en ma faveur, j'irai plus loin que le sous-premier tome. Toujours avec ma ferveur, ici c'est le sous-premier tome. Sous-premier tome. Sous-premier tome. Sous premier tome, sous premier tome, yeah. Sous premier tome et le reste coming soon. Si la victoire n'est pas loin, moi je suis dessous. V'là le morceau en dehors de la chronologie. Et ouais, toujours en quête d'apologie. C'est Nesdri et Flo, mais pas de fuite sur celui-ci. Faudra attendre le commencement pour des textes visibles. Élève les bras, cherche les étoiles. Oshisaga, je compte plus mes textes et mes toiles. Bientôt le premier volet de la saga. Je suis pas là pour parler de paranormal, car la vie c'est faux, normal. Je me pose pas de questions, je suis le sourire qui cache le malheur. Donne-moi une instru, je te donne le texte tout à l'heure. Je pose en solo, pas de featuring. Ta mort 7 jours après, fais gaffe à la fille du ring. Je passe des étapes, mais j'ai passé la ligne de départ. Droit d'auteur, moi je me mets pas. J'ai pas d'avance, mais fallait me décrire dans le sous-premier tome. Sous-premier tome. C'est toujours avec l'équipe, mais je suis au sous-premier tome. Sous-premier tome. Sous-premier tome. Et si les étoiles brillent en ma faveur, j'irai plus loin que le sous-premier tome. Toujours avec ma ferveur, ici c'est le sous-premier tome. Sous-premier tome, yeah.